pays qui met pas le pied. Invasion des immigrés, ghetto éradiqué. Le voile est à court d'actualité. Ils veulent la France islamisée. Bientôt il faudra se cacher pour ne pas être tué. Invasion des immigrés, bientôt éradiqués. Civilisation.